Il courut à la rue de Choiseul. Monsieur et Madame Arnoux n'y habitaient pas, et une voisine gardait la loge du portier. Frédéric l'attendit. Enfin, il parut. Ce n'était plus le même. Il ne savait point leur adresse. Frédéric entra dans un café et, tout en déjeunant, consulta l'almanach du commerce. Il y avait 300 Arnoux, mais pas Jacques Arnoux. Où donc logeait-il? Pellerin devait le savoir. Il se transporta tout en haut du faubourg Poissonnière avec son atelier. La porte, n'ayant ni sonnette ni marteau, il donna de grands coups de poing et il appela, cria. Le vide seul lui répondit. Il songea ensuite à y sonner. Mais où découvrir un pareil homme? Une fois, il l'avait accompagné jusqu'à la maison de sa maîtresse, rue de Fleurus. Parvenu dans la rue de Fleurus, Frédéric s'aperçut qu'il ignorait le nom de la demoiselle. Il eut recours à la préfecture de police. Il erra d'escalier en escalier, de bureau en bureau. Celui des renseignements se fermait. On lui dit de repasser le lendemain. Puis il entra chez tous les marchands de tableaux qu'il put découvrir pour savoir s'il ne connaissait point Arnoux. Monsieur Arnoux ne faisait plus le commerce. Enfin, découragé, harassé, malade, il s'en revint à son hôtel et se coucha. Au moment où il s'allongeait entre ses draps, une idée le fit bondir de joie. « Regimbard, quel imbécile je suis de n'y avoir pas songé !» Le lendemain, dès 7 heures, il arriva rue Notre-Dame-des-Victoires devant la boutique d'un rogomiste où Regimbard avait coutume de prendre le vin blanc. Elle n'était pas encore ouverte. Il fit un tour de promenade aux environs et, au bout d'une demi-heure, s'y présenta de nouveau. Regimbard en sortait. Frédéric s'élança dans la rue. Il crut même apercevoir au loin son chapeau. Un corbillard et des voitures de deuil s'interposèrent. L'embarras passé, la vision avait disparu. Heureusement, il se rappela que le citoyen déjeunait tous les jours à 11 heures précises chez un petit restaurateur de la place Gaillon. Il s'agissait de patienter. Et, après une interminable flânerie de la Bourse à la Madeleine et de la Madeleine au gymnase, Frédéric, à 11 heures précises, entra dans le restaurant de la place Gaillon, sûr d'y retrouver son Regimbard. « Connais pas, » dit le gargotier d'un ton rogue. Frédéric insistait. Il reprit. « Je ne le connais plus, monsieur. » Avec un haussement de sourcils majestueux et des oscillations de la tête qui décelaient un mystère.